Une nouvelle crise de conflit militaire prête à éclater à tout moment est créée dans les eaux de points chauds de la mer de l'Ouest de Corée. Le 22, les forces belliqueuses sud-coréennes ont poussé à multiples reprises leurs bateaux civils dans les eaux territoriales de notre République sous prétexte d'empêcher la pêche illégale des bateaux de tiers pays aux alentours des 5 îles de la mer de l'Ouest et d'installer du récif de poissons artificiels pour protéger les ressources de poissons. Rien qu'en ce jour-là, les bateaux sud-coréens ont fait intrusion à 5 reprises jusqu'à 1,1 km dans notre profondeur. Ce qui est plus grave, c'est que cette démarche est soutenue ouvertement et appuyée par les impérialistes américains. À l'aube du 22 février, les GIs ont fait parution sur la ligne de démarcation militaire à Pramunjom avec un haut-parleur pour une soi-disant information insolite sur les travaux d'installation de certains récifs de poissons artificiels dans les eaux aux alentours de l'île Yeompyeong avant de pousser de nombreux voyous dans nos eaux territoriales. Ils ont même introduit dans ces eaux les navires battant pavillon des forces onusiennes fantomatiques sous prétexte de soi-disant surveillance des travaux et assurance de la sécurité.